sans moi c'est mon département. C'est Sultaneuse, hein. Alien des Kaboul, ghetto guet-apens. Grand coin Mazar Sharif, je représente. Blanc, jaune, rap ça et négro. Nage dans la névrose, virose. On passe du sirop à la cirrhose. Ne parle pas de cadeaux, le Père Noël n'est qu'un clochard. Et si on se couche tard et nos rêves sont des cauchemars. On fuit la pauvreté comme un virus. On sait que si on dort trop, on termine comme le sous-marin russe. On axe en accent mais pas de nationalité. Fini d'être à genoux mais quand haut y'a plus de tonalité. Banalité, voir son visage sur un couteau. En période en bruit on pèse, tous 3 kilos de plus. Un canon juste scié comme il faut c'est justifié. Chacun sa cause, la rage crée des justiciers. Fleurir les tombes au cimetière, non laisse. Moi j'ai pas, tu comprendras qu'y'a pas que la vérité qui blesse. Sans moi 7,93, tu veux connaître nos vies. Le meurtre, sexe, drogue, la routine. Ça sent le pompe, la chevrotine. La haine jusque dans les gencives. L'argent de créer haute force, c'est ce que les gens savent. 7,93, tu veux connaître nos vies. Le meurtre, sexe, drogue, la routine. Ça sent le pompe, la chevrotine. La haine jusque dans les gencives. L'argent de créer haute force, c'est ce que les gens savent. Tous veulent être Rocky. Déjà voir comme Rocco, on fait pas de croquis. Coco, on tire quand y'a quiproquo. Garçons rares sont ceux qu'on vécu. Si la vie serait une queue, alors tous mes frères ont mal au cul. Frigo vide, boîte à lettres, les factures. L'huissier fracture les portes à l'école, on nous fixe comme des radures. 10 dans un deux pièces, les mères sont des pondeuses. Dis-moi donc où pousse l'argent que je ramène ma tondeuse. Les flics prennent des photos, ça boit des Paul Rémy, ça squatte au loto. Mais y'en a trop qui touchent le RMI. Les mêmes peines on purge, prévenus, maintenant tête tenue, sans retenue. On dénique ta mère aux yeux. Justice pour les friqués, l'État nous raquette. Dans le ghetto c'est la guerre et les soldats portent des baskets. Sans moi 7. Sans moi 7,93, tu veux connaître nos vies. Le meurtre, sexe, drogue, la routine. Ça sent le pompe, la chevrotine. La haine jusque dans les gencives. L'argent de créer haute force, c'est ce que les gens savent. Sans moi 7,93, tu veux connaître nos vies. Le meurtre, sexe, drogue, la routine. Ça sent le pompe, la chevrotine. La haine jusque dans les gencives. L'argent de créer haute force, c'est ce que les gens ciblent. Malgré les colombies, ouais, ouais. Même les plus colombies. La feuille chenou, ça fait chez nous un effet de colombie. Faxon, claque son cul, ancien recale son blé. Un complet shoot si t'en as dans le caleçon. Lascar irresponsable. Parce que pour si tout pique ou se bagouze, on donne aux marchands de sable. Pénurie dans les poches de nos teddy. Les billets font crédit. Comme une pute qui fait crédit, on m'a dit. T'es grillé comme une boulette sur un vêture. La rue est une roulette jouée pour gagner, je veux être sûr. On sait que la fin est proche, j'ai pas besoin de Nostradamus. Gratuit pour le fric, une fille braque son cradanus. La ghetto attitude, c'est du sang qu'elle suce. Le bitume atteint la température sans Celsius. Sans moi 7,93, tu veux connaître nos vies. Le meurtre, sexe, drogue, la routine. Ça sent le pompe, la chevrotine. La haine jusque dans les gencives. L'argent de créer haute force, c'est ce que les gens savent. Sans moi 7,93, tu veux connaître nos vies. Le meurtre, sexe, drogue, la routine. Ça sent le pompe, la chevrotine. La haine jusque dans les gencives. L'argent de créer haute force, c'est ce que les gens savent. Alien des grands coins, soleil. Sans moi 7. Le clou André Lursa, la prêtresse. Sans moi 7. L'Oréal, la sorcelle, la courtée. Sans moi 7. Prends moi un jusqu'à la pleine sannée. Sans moi 7. Blanco, Colnel et 3000. Sans moi 7. Épinay, Saint-Ouen, Pierre-Fitte. Sans moi 7. La Courneuve, Inter, les 4000. Sans moi 7. Montfermeil, Clichy-sous-Bois.